Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 30 novembre 2021. Voici les grands titres de cette édition. 6 cas se sont révélés positifs sur 1800 tests effectués en un jour. La ministre de la Santé l'a déclaré ce lundi après la réunion du comité de riposte contre le Covid-19. Et les élèves internes seront soumis au dépistage Covid avant la reprise des cours au deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Vous l'entendrez. Au Burundi, 86% des hommes contre 76% des femmes consomment de l'alcool et 66% des jeunes de moins de 14 ans en consomment également. Et cela ressort d'une étude menée par les guides du Burundi en 2017. Il s'observe une pénurie de boissons de la Burundi dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Mais à Uvira, en République démocratique du Congo, les consommateurs sont fiers de la sainte mousse produite par cette entreprise. Et dans la chronique santé, un psychologue nous dira qu'observer un repos et pratiquer des exercices physiques sont certaines attitudes à adopter pour avoir une bonne santé mentale. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, un homme du nom de Nginahamira Joseph, âgé de 70 ans, résident sur la colline Murehe en commune et province Tchankouzo, a été tué par machette. C'était aux environs de 19h30 ce lundi. Avant d'être assassiné, cet homme était venu du marché de Gichumbi et chemin faisant, au retour de son domicile, il a rencontré des malfaiteurs. Selon Secha Rujivenal, le chef de colline Murehe, la police judiciaire est vite intervenue et Keisha Joachim, voisin et beau-parent de la victime, a été arrêté pour enquête. Le chef de colline Murehe parle d'assassinat sur fond de sorcellerie. La population de la localité fait savoir que ce n'est pas la première fois que des crimes similaires sont commis et demande aux autorités sécuritaires de doter cette colline d'une position policière. 6 cas sur plus de 1800 tests effectués en un jour se sont révélés positifs au Covid-19. Une annonce du ministre de la Santé ce lundi après une réunion du comité de riposte contre le Covid-19. Sylvine Zeyman a en outre indiqué à la presse que les élèves internes seront soumis au dépistage avant la reprise des cours du deuxième trimestre. On l'écoute. La situation est bonne. Les nouveaux cas ont sensiblement diminué. Par exemple, si on considère les dernières 24 heures, sur 1832 personnes qui ont été testées, seuls 6 cas se sont révélés positifs. Le comité a analysé aussi la situation de la vaccination contre la COVID-19 qui est en cours de réalisation. On a constaté que la vaccination continue pour toutes les personnes qui le désirent. Le comité a étudié aussi la question concernant le nouveau variant Omicron, nouvellement identifié. On a recommandé au comité scientifique de se mettre au travail pour collecter toutes les informations, toutes les caractéristiques de ce dernier pour donner des orientations stratégiques qui pourront aider à y faire face au cas où ce nouveau variant serait détecté dans notre pays. Mais entre-temps, nous continuons à sensibiliser la population à respecter les mesures barrières, à poursuivre la campagne lancée par son excellence le président de la République du Burundi, la campagne d'Akira Sinandura Kansinandu Kiza coronavirus. Pour cela, nous demandons à l'administration à la base ainsi que les responsables sanitaires à tous les niveaux de multiplier les réunions de sensibilisation pour se protéger contre ce virus. Le comité a aussi analysé comment on va faire l'encadrement des jeunes élèves qui vont bientôt aller en vacances. Nous demandons pour cela à l'administration à la base et les responsables sanitaire d'organiser beaucoup de réunions de sensibilisation à l'endroit de ces élèves en vacances pour le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Le ministère est en train de se préparer pour réaliser le dépistage de tous les élèves des écoles à régime d'internat avant le retour à l'école. Nous profitons également de l'occasion pour vous annoncer que le ministère se prépare aussi pour faire des tests de dépistage aux nouveaux recrues au corps de défense et de sécurité avant la formation. Sylvie Nzeimana, c'est la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Au Burundi, 86% des hommes contre 76% des femmes consomment de l'alcool. Les 66% des jeunes de moins de 14 ans en consomment. Cela ressort d'une étude menée par les guides du Burundi en 2017. Séraphine Manirambona, représentante de l'action de plaidoyer pour une législation sur l'alcool au Burundi, dit que la mise en place de la loi sur la production, la commercialisation et la consommation de l'alcool aiderait dans la réduction des méfaits dus à l'usage abusif de l'alcool. Il a dit ce mardi lors d'un atelier d'évaluation des initiatives prises au niveau local dans la lutte contre l'usage abusif de l'alcool. Suivez Séraphine Manelambona. Nous avons déjà remarqué que, sincèrement, l'alcool est à la base des maladies chroniques et à la base de la baisse dans le développement du Burundi. Mais aussi, l'alcool est aussi un des facteurs qui cause beaucoup de problèmes au niveau familial. C'est pourquoi nous plaidons toujours pour cette législation. Et nous parlons toujours de la consommation de l'alcool. Avant de parler de la pénurie des boissons braroudies ici chez nous, notamment dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura, notre correspondant Jérémy Kouhima à Uvira en République démocratique du Congo nous rapporte que les produits brassicoles du Burundi occupent une place prépondérante dans la consommation de tous les jours. Selon les informations recueillies par celui-ci, la bière d'Amstel occupe la première place et les suivies du Royal et la Primus occupent la troisième place. Les Heineken et les boissons sucrées sont rarement consommées, tandis que les autres marques semblent n'avoir jamais été consommées à Uvira. Nous avons interrogé un barman au New Hope 6 au quartier Kimanga. Voici ce qu'il dit. Pombe ma produit à Burundi, na joa sana hapa Congo ni Amstel, je produit na pendwa sana. La boisson burundaise la plus préférée à Uvira, c'est la Amstel, suivie de la Primus et le Royal en troisième position. Les autres boissons ne sont pas beaucoup préférées et il y en a même qui ne sont pas connues. La Amstel est plus vendue, même plus que la Primus congolaise. Les prix varient entre 2000 francs et 2500 francs. Chez nous, en on est à 2000 francs. Les consommateurs, pour leur part, ne disent pas le contraire par rapport aux vendeurs. Quant à la structure des prix, elle diffère d'un vendeur à l'autre. Ceux qui achètent à des dépôts au Burundi, ils vendent la bouteille entre 2000 et 2200 francs congolais, tandis que les autres vendent entre 2200 et 2500 francs. Et les bistrots VIP vendent la bouteille à 3000 francs congolais, la Amstel. Un dollar américain équivaut à 2000 francs congolais. Les casiers au dépôt d'Uvira pour la Amstel est de 10 dollars, les Royal à 20 dollars et Amstel Bock à 17 dollars. Retenez que ces produits atteignent aussi les autres provinces de l'Est comme au Maniema, au Nord Kivu et en province du Tanganyika vers Kalemie. Pour ce qui est des conditions d'importation, les services congolais de la taxation se plaignent qu'une bonne quantité de ces boissons burundaises entre par une voie frauduleuse et donc difficile à payer la taxe. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy Kouhima. Dommage, on n'a pas pu avoir le reportage sur la pénurie de boissons de la Baroudie dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Mais sachez que les vendeurs de ces produits font savoir qu'ils arrivent très tôt le matin pour s'en approvisionner au dépôt de vente, mais sans succès. Les grossistes disent que les quantités leur servies actuellement sont insuffisantes. Ils demandent au ministère du Commerce de trouver une solution à ce problème. Et en bref, le parking des bus vers le sud de la mairie de Bujumbura se trouve en état de délabrement. Les passagers sont indisposés par la boue et les voitures sont endommagées suite à l'état de ce parking, surtout en cette période de pluie. La même situation s'observe au parking des bus vers Gatumba. Certains transporteurs demandent aux autorités de la mairie de Bujumbura de réhabiliter ces parkings puisqu'ils payent les impôts, argumente-t-il. Et dans la rubrique internationale avant la chronique santé, remaniement ministériel au Niger, plusieurs ministres changent de poste, notamment le ministre de l'Intérieur Al-Kaché Aladar qui quitte son ministère stratégique. Ce changement intervient quelques jours après les incidents à Terrao. Un convoi de l'armée française a été pris à partie par la population et ce départ intervient 48 heures seulement après les violentes manifestations des jeunes de la ville de Terra. Le 27 novembre dernier, ils ont tenté de bloquer le convoi de l'armée française en transit pour Gao, Mali. Officiellement, il y a eu 2 jeunes décédés, plusieurs blessés graves par balle, évacués à l'hôpital national de Niamey. Des sources bien informées, il y a eu une défaillance du système de maintien de l'ordre ce jour-là à Terra. Et le ministre de l'Intérieur a payé pour ces incidents de Terra, précisent les mêmes sources. Et le forum de coopération sino-africaine se poursuit à Dakar. Plusieurs ministres chinois ont fait le déplacement pour cet événement. Une part importante des échanges de ce forum est consacrée aux relations économiques entre la Chine et le continent africain. Pékin reste notamment le premier partenaire commercial du continent. En effet, la Chine exporte bien plus de produits vers l'Afrique qu'elle n'en importe. De surcroît, elle exporte des produits manufacturés à forte valeur ajoutée, alors qu'elle importe surtout des matières premières. Mais cette relation est déséquilibrée. Aujourd'hui, les chefs d'État africains souhaitent changer la donne. Requête que le président chinois Xi Jinping dit avoir entendu et promet que la Chine élargira les catégories de produits bénéficiant de l'exemption des droits de douane en faveur des pays les moins avancés pour porter le volume total des exportations chinoises en provenance de l'Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les 3 ans à venir. Radio Isanganiro, chronique santé. Observer un repos et pratiquer des exercices physiques sont certaines des mesures à adopter pour avoir une bonne santé mentale. Le psychologue Alain-Joseph Atungimana indique qu'il existe 3 sortes de traitements pour les maladies mentales, dont la psychothérapie. Toutefois, il conseille aux gens de ne pas discriminer les personnes atteintes de maladies mentales. Yvette Nijimberi. Le stress, l'exposition aux risques environnementaux sont des facteurs qui peuvent contribuer aux troubles. Le psychologue Alain-Joseph Atungimana conseille l'utilisation des méthodes naturelles pour maintenir une bonne santé mentale. On peut adopter les bonnes habitudes de vie. Il faut prendre du temps pour bien manger. Il faut se coucher à l'heure raisonnable afin de dormir suffisamment. Il faut faire des exercices sportifs tous les jours. Il faut réduire la consommation de stimulants. Il faut diminuer ou cesser complètement la consommation d'alcool ou de drogue. Il faut entretenir un réseau social. Le traitement des maladies mentales dépend des types de troubles. Alain-Joseph Atungimana indique qu'il existe 3 sortes de traitements qui sont complémentaires. Il existe 3 sortes de traitements. Il y a ce que j'appellerais les modifications au mode de vie, c'est-à-dire c'est une auto-prise en charge. Deuxièmement, on traite les maladies mentales par des psychothérapies qui sont administrées par les psychologues cliniciens ou les professionnels de santé mentale. Mais aussi, on traite les maladies mentales avec des médicaments, dont les psychotropes. Les troubles psychiques génèrent une augmentation suicidaire, explique le psychologue Alain-Joseph Atungimana. Si on ne parvient pas à se prévenir et qu'à un certain moment, on tombe malade, on devient malade mental, c'est-à-dire on n'est plus productif. Et si on n'est plus productif, c'est-à-dire qu'il y a un repli sur soi, on vit une baisse d'estime de soi, on vit la peur. Et c'est là où même à un certain moment, on cherchait à se suicider. Au Burundi, selon une enquête de santé mentale réalisée par le ministère de la Santé en août 2019 dans les provinces Ngozi, Gitega, Rumonge, Bujumbura, Mairi, plus de 4 personnes sur 10 présentaient des troubles psychiques. Yvette Nijimbere, ainsi se referme ce journal avant de nous séparer. J'en rappelle les grandes articulations. 6 cas se sont révélés positifs sur 1800 tests effectués en un jour. La ministre de la Santé l'a déclaré ce lundi après la réunion du comité de riposte contre le Covid-19. Et les élèves internes seront soumis au dépistage Covid-19 avant la reprise des cours au deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Et au Burundi, 86% des hommes contre 76% des femmes consomment de l'alcool et 66% des jeunes de moins de 14 ans en consomment. Et cela ressort d'une étude menée par les guides du Burundi en 2017. Il s'observe une pénurie de boissons de la Brarudi dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura, mais à Uvira, en République démocratique du Congo, les consommateurs sont fiers de la Sainte-Monse produite par cette entreprise, et vous venez de le suivre dans la chronique santé. Un psychologue nous a expliqué qu'observer un repos et pratiquer des exercices physiques sont certaines attitudes à adopter pour avoir une bonne santé mentale. Voilà, à 13h, bientôt 10 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduwimana. Passez un très bon après-midi.